Et si le réchauffement climatique n'avait pas pour seule conséquence l'augmentation des températures de surface de la Terre, et si le réchauffement climatique faisait basculer le système Terre? C'est une hypothèse émise cet été par une étude qui évoque la bascule climatique, le tipping point, le point de non-retour, à partir duquel toute la dynamique climatique de notre planète s'emballerait. Mais pour mieux comprendre les dérives actuelles du climat terrestre, il est essentiel de regarder l'ensemble de l'histoire climatique de notre planète et de remonter jusqu'à ses origines. Gilles Rammstein, retour vers le climat, c'est le deuxième grand entretien de cette troisième saison et notre programme pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Gilles Rammstein. Bonjour. Mille merci d'avoir accepté notre invitation, d'être donc notre deuxième parrain pour cette troisième saison. Je rappelle que vous êtes climatologue, directeur de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Vous êtes auteur également de Voyage à travers les climats de la Terre, qui est préfacé par Michel Brunet et publié chez Odile Jacob. Alors on a beaucoup parlé de réchauffement et de dérèglement climatique à cette antenne et au micro de la méthode scientifique. Et nous avons retrouvé cette archive. Il s'agit des actualités de midi de la radiodiffusion française. Nous sommes en 1959. Écoutez. Ce rapport de l'année géophysique internationale qui vient d'être publié apporte en effet des indications sur le réchauffement, mais plus particulièrement sur le froid, paradoxalement. Les savants soviétiques ont enregistré la température la plus basse qui ait jamais été connue. C'est moins 124 degrés Fahrenheit, c'est-à-dire à peu près moins 87 degrés centigrades. Et aussi, on a mesuré la couche de glace la plus épaisse. Vous voyez qu'il n'est toujours pas question du réchauffement. 5100 mètres à 160 km de la station Bird. Mais voilà l'origine de notre petite information. Il est quand même question dans ce rapport du réchauffement. La température moyenne du pôle sud s'est élevée de 5 degrés en 50 ans. Et le réchauffement du Spitzberg est deux fois plus fort. À vrai dire, nous savions bien que nous étions dans une époque de réchauffement. Cela s'enseigne même dans les écoles, ce n'est pas nouveau. La fonte des glaces le long de la côte antarctique provoque une diminution rapide de la salinité de l'eau et il n'y a pas lieu de s'effrayer particulièrement. Sans doute, ce réchauffement peut provoquer, par la fusion des glaces, une montée des océans. L'histoire de la Terre a connu déjà bien des régressions et des transgressions marines. Il n'y a pas lieu d'épouvanter les populations côtières en leur disant de se retirer parce que l'océan va monter. Et selon un savant américain, le professeur Elton Quinn, et voici la deuxième phase qui explique la naissance de cette nouvelle du réchauffement, selon ce professeur américain, le réchauffement serait dû à l'accroissement de gaz carbonique déversé dans l'atmosphère par nos fourneaux, nos poêles et nos automobiles. Situation qu'il qualifie d'entièrement nouvelle dans l'histoire de la planète. Je veux bien le croire, ce matelas carbonique laisse passer les rayons solaires mais s'oppose à la sortie des calories emmagasinées sur la planète. De là à s'épouvanter, je crois qu'il y a encore le temps de réfléchir. Il y a encore le temps de réfléchir en 1959, Gilles Rammstein, réaction à cette archive. Ça veut dire que la préoccupation ne date pas d'hier. Il y a deux choses. D'abord, la préoccupation ne date pas d'hier parce qu'un siècle avant, un savant suédois avait déjà compris que le CO2 augmentant, la température de notre planète allait se réchauffer. Et à l'époque, il avait fait ça parce qu'il considérait, il voulait expliquer les glaciations, c'est-à-dire l'inverse, le fait que le CO2 est diminué et que la planète avait subi du froid. Maintenant, c'est pas nouveau. Ce qui est marrant, c'est que 59, c'est la naissance, donc je sais pertinemment que c'était il y a 59 ans. Et donc, à l'époque, il vous raconte ça et il sait pas qu'il est assis sur un trésor extraordinaire, c'est-à-dire sur notre capacité qu'on a dans ces kilomètres de glace dont il parle, à trouver l'histoire climatique de la Terre, de savoir que depuis presque 800 000 ans, le CO2 terrestre, il est emprisonné dans une petite fenêtre de 180, 280 ppm. C'est en fait la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et que ça, on l'a pulvérisé, partie par million. Et c'est très marrant comme on voit avec quelle certitude, mais ça c'est l'avancée extraordinaire de la physique, de la climatologie qui en 30-35 ans a montré beaucoup plus qu'il a dit. Hein. Mais à l'époque, il avait quand même pas mal d'intuition. Oui, et puis on entend surtout dans cet archive qui dit finalement l'histoire de la Terre a connu bien des régressions, bien des progressions. C'est un argument qu'on retrouve aujourd'hui dans la bouche des gens qui sont non plus climato-sceptiques, mais qui disent peut-être que le réchauffement actuel n'est pas d'origine anthropique. Oui, mais c'est un argument de bon sens. C'est tout à fait vrai quand on regarde l'histoire de la planète. En fait, l'histoire de la planète, ce qui est extraordinaire, c'est que contrairement à Mars et Vénus, elle est régulée. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des variations vers le froid, avec des calottes de glace, des périodes froides et des périodes chaudes, comme les périodes où ont vécu les dinosaures, le Crétacé, le Jurassique, toutes ces périodes sont plutôt chaudes. Donc il y a toujours eu des variations. Donc les gens ont bien raison de dire que sur Terre, le climat a toujours varié. Ce qui est extraordinaire sur Terre, c'est qu'on est aujourd'hui 7 milliards d'hommes et qu'on est en train de changer le climat, non pas à l'échec de, comme j'en parle dans mon livre, beaucoup, de millions, de dizaines de milliers d'années, non, de siècles seulement. Et on va voir, hein, puisque c'est l'histoire qu'on va raconter tout au long de cette heure, et on va remonter aux origines de 4 milliards, et on va voir qu'effectivement on prend d'abord des grandes tranches temporelles, et puis petit à petit on réduit, et pourtant les variations sont de plus en plus fortes. Vous parliez à l'instant, Gilles Rammstein, hein, vous dites le CO2 présent dans l'atmosphère a varié entre 280 particules par million et 180 particules par million. Aujourd'hui on est à combien ? Aujourd'hui on est à 410 parties par million. Donc ça veut dire que en quelques 200 années, l'homme, par son développement, par le fait que simplement il brûle des combustibles fossiles et que un des reliquats de cette combustion, c'est d'injecter du CO2 dans l'atmosphère en très petite quantité, hein, ça se mesure, comme vous l'avez dit, en parties par million, il a carrément explosé la petite fenêtre dans laquelle on sait qu'on est, parce qu'on mesure dans les bulles de glace exactement le CO2 directement, je veux dire, et exactement aussi le CO2 sur 800 000 ans, on sait que ça, on l'a explosé. Et si vous vous dites, ah bon? Et depuis quand? Quand est-ce qu'il faut remonter dans l'histoire de la Terre pour retrouver une valeur de 410 ppm? Eh bien, vous êtes obligé de remonter 3 millions d'années en arrière. Et alors là, 3 millions d'années en arrière, tectoniquement, c'est presque hier, la planète n'a pas tellement changé. Vous aviez effectivement à peu près 400 ppm de CO2, c'était le Pliocène, il faisait environ 2 degrés plus chaud que le pré-industriel, bon, très bien. Et le niveau marin, eh bien le niveau marin était à peu près 15 mètres au-dessus de l'actuel. Pourquoi ? Parce que dans un climat à l'équilibre à 400 ppm, c'est-à-dire à l'équilibre, je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Hein. Bien c'est-à-dire, entendu. Là, on n'est pas à l'équilibre. Eh bien, ça donne pas de Groenland. Le Groenland, c'est à peu près 6 mètres à 7 mètres de niveau marin. Pas d'Antarctique de l'Ouest, à peu près 4 à 5 mètres. Vous n'êtes toujours pas à 15 mètres, mais il y a aussi la dilatation des molécules d'eau qui prennent plus de place quand elles sont chaudes. Et tout ça vous donne à peu près 15 mètres. Donc voilà, c'est ça, du point de vue du CO2 seulement, hein. L'analogie qu'on peut faire avec la période la plus proche où on avait le même niveau de CO2. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, Gilles Rammstein, le débat n'est plus tant de savoir si le réchauffement climatique est une réalité ou pas. À peu près tout le monde, à part maintenant des personnes très très isolées scientifiquement, ne veulent pas le reconnaître. La question est de savoir aujourd'hui de s'accorder sur ce que vous dites, ce système qui est déséquilibré, et quelles vont en être les conséquences, c'est-à-dire quelle va être l'ampleur de ce réchauffement. Voilà, c'est exactement ça. Si vous voulez, pour paraphraser un peu ce que vous avez dit, la méthode scientifique, elle est là. Depuis à peu près la fin de la guerre, on mesure très précisément le contenu du CO2. Hein. C'est Keeling qui a commencé avec quelques stations. Et on voit que la Terre, elle respire. Donc quand vous êtes dans l'hémisphère nord, aux moyennes latitudes, vous voyez qu'en automne, vous pompez du CO2 et puis vous le redonnez au printemps. Donc sur cet battement du CO2, qui est simplement le battement saisonnier, vous êtes depuis 50 ans, plus même, sur une rampe chaude. Et ça, c'est des faits d'observation, d'ailleurs, que personne ne peut vraiment critiquer. Le CO2 est mesuré et on est sur une rampe chaude. Et voilà, avant, l'augmentation, on était stabilisé à 280 ppm. Et depuis la révolution industrielle, on augmente considérablement le taux de CO2, exactement comme vous l'avez dit. Et la deuxième chose que vous avez dit qui est juste aussi, c'est que ça, c'est le forçage. Comment il se traduit sur une planète complexe comme la Terre, qui a une atmosphère qui réagit avec de l'ordre de la journée au mois, un océan qui réagit de l'ordre du mois aux centaines d'années, et une cryosphère qui, elle, a un temps de réponse beaucoup plus lent. Comment cette augmentation fulgurante va se traduire dans le climat à 50 et 100 ans, c'est tout l'objet du débat et du GIEC dont on aura l'occasion, je pense, de reparler. évidemment, et puis des questions liées aux modélisations, parce qu'on modélise pour prévoir, mais on modélise aussi pour remonter dans le passé, dans l'histoire climatique de notre planète. Un dernier mot d'introduction, justement, avant de remonter et de remonter le fil du temps. Gilles Rammstein, vous écrivez dans votre livre, pour la première fois, une espèce animale, l'espèce humaine, s'est trouvée consciemment en mesure de modifier le climat de sa planète, ce que l'on peut résumer par cette formule. On est passé des ères géologiques à l'ère anthropocène, où en plus des déterminants climatiques naturels, un acteur supplémentaire, l'homme, est capable à une vitesse foudroyante de modifier le climat. Ça veut dire que pour vous, qui êtes paléoclimatologue, qui travaillez sur les ères géologiques, nous sommes dans l'anthropocène, ça ne fait plus aucun doute. Ben, si vous voulez, ce que j'entends par là, c'est que si on regarde le climat sur des millions d'années, à l'échelle de millions d'années, le facteur forçant, ce qui va faire changer le climat, c'est la luminosité du soleil, en gros, parce qu'elle augmente de 7% par milliard d'années. Donc sur des échelles de dizaines de millions à centaines de millions d'années, milliards d'années, c'est le soleil. Sur des échelles de dizaines à centaines de millions d'années, c'est la tectonique. Sur des échelles de 100 000 ans, c'est l'orbital. Et l'homme s'est hissé, à son tour, en termes de facteur forçant majeur du climat, en 200 ans, en émettant du CO2, il a pris ce rôle de facteur forçant, mais à une vitesse qui, par rapport à tous les forçages dont je vous ai parlé, est fulgurante. Effectivement, on aura l'occasion d'en reparler parce que, en fait, cette expérience globale que fait l'homme et qu'on appelle l'anthropocène, elle se situe dans un contexte géologique et démographique très particulier dont on aura l'occasion de reparler. La méthode scientifique, Nicolas Martin. 16h11 sur France Culture, vous écoutez La Méthode Scientifique. Notre deuxième invité de cette semaine de rentrée pour notre troisième saison est le climatologue Gilles Rammstein, le paléoclimatologue. Alors Gilles Rammstein, vous n'avez pas toujours d'ailleurs été climatologue, c'est un revirement de carrière. Vous êtes physicien de formation, vous l'avez été de nombreuses années. Comment est-ce qu'on passe de la physique, de l'étude de la physique à l'étude du climat et pourquoi? Bah, c'est une rencontre, c'est un hasard. Effectivement, comme vous l'avez dit, moi j'ai fait de la physique assez dure. Je travaille sur les équations de Maxwell, sur la dynamique et l'optique de faisceaux de particules dans des cavités supraconductrices. Et si vous voulez, pour très très très rapide, quand j'écrivais un article dans une revue, il y avait en gros 5 personnes intéressées, 2 qui iraient jusqu'au bout et une à qui ça pouvait servir. Et moi, je posais plein de questions sur mon utilité en fait sociale comme scientifique au moment où il se trouve que mon organisme, le CEA, s'est dit tiens, on dispose de très gros calculateurs, de très bons spectromètres, on pourrait se lancer dans la modélisation des climats. Et comme je me posais ces questions, j'ai été mis en relation avec Jean Jouzel et Sylvie Joussaume qui m'ont proposé de changer, c'était en 92, j'avais donc 30 et quelques années, et alors là j'ai radicalement changé et j'ai jamais regretté. Et à ce propos, quelqu'un que vous connaissez bien puisque vous venez de citer son nom, une question à vous poser, c'est l'inévitable et très dispensable question mystère qui n'a plus rien d'un mystère. Cher Gilles, j'ai oublié de te poser une question hier. Tu es pour moi un de ceux qui a réorienté sa carrière pratiquement à mi-carrière avec succès. Tu étais d'abord physicien et tu es devenu climatologue. Alors j'aurais aimé savoir quelles sont, c'est une véritable réussite, quelles sont les clés de cette réussite parce que ce n'est pas si fréquent que ça. Merci. Voilà, vous aurez reconnu bien sûr. Oui, j'ai reconnu Jean Jouzel. Jean Jouzel, c'est la personne avec qui j'ai parlé, donc ça a été déterminant dans mon changement d'orientation. Je vais vous dire très simplement, il faut être opportuniste. Moi, je suis opportuniste, j'ai toute ma vie été opportuniste. C'est-à-dire que j'ai un bagage comme un sac à dos, avec des connaissances en physique, en chimie. Et avec ce bagage, je discute avec des gens, et ça a été fondamental pour moi. Des gens qui font du pollen, des gens qui font des géologues, qui reconstituent la distribution des continents, des gens qui travaillent sur les distributions des animaux, les distributions des coquillages. Et tous ces gens, en discutant avec moi, on établit des scénarios de changement climatique, ce qui est possible, comment trouver les causes. Et moi, je teste quantitativement ces scénarios qui sont des liens causaux sur pourquoi le climat a changé, pourquoi on bascule du glaciaire à l'interglaciaire, comment on a basculé, pourquoi par exemple la calotte groenlandaise s'est fixée il y a 2,7 millions d'années, pourquoi à ce moment-là et pas un autre, quelles sont finalement les causes qui dans le système Terre vont permettre des basculements radicaux. Alors il y a les basculements radicaux des dizaines de milliers d'années, mais il y a aussi des basculements radicaux auxquels je me suis intéressé, comme le moment où la Terre a été blanche, le moment où les continents... La Terre boule de neige, on va en reparler dans quelques instants. La Terre boule de neige, le moment où les continents ont commencé à verdir. Vous savez que la vie, elle s'est faite dans l'eau, entre 3,7 et à peu près le Dévonien, c'est-à-dire 400 millions d'années, entre 3,7 milliards et 400 millions d'années, la vie, elle est dans l'eau. Elle ne colonise vraiment les continents que très tardivement. Et là, ça va produire aussi des changements très importants. Et donc, tout ça, c'est un peu écouter les gens, bâtir des scénarios, et avec les modèles qu'on utilise pour les climats du futur, et moi, j'existerai pas sans, je le dis parce que c'est important, des centaines de gens qui travaillent sur le modèle du système Terre, donc qui font des modèles très complexes, hein, tridimensionnels, qui comportent l'atmosphère, la cryosphère, l'océan. Et avec ces modèles-là, j'essaie d'établir les raisons qui font basculer la Terre d'un régime climatique à un autre. Alors justement, la transition est idéale. Gilles Rammstein, comment est-ce qu'on travaille ? Vous venez de le dire, le climat terrestre est un système extraordinairement complexe. Vous avez mentionné tout à l'heure le fait que jusqu'à 800 000, disons, allez, 1 million d'années, on peut aller faire des carottes dans la calotte glaciaire pour avoir une idée, là pour le coup, observationnelle de l'évolution du climat. Mais 1 million d'années, c'est une goutte d'eau dans l'histoire de notre planète. Comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui pour remonter, pour recalculer, pour comprendre comment ce climat a évolué au fil de ces milliards d'années ? Alors déjà, vous avez raison, du point de vue de la méthode scientifique, pourquoi sur la peau d'orange que seraient les 800 millions d'années par rapport à l'orange complète, là on est dans un secteur très contraint. Parce que grâce aux calottes de glace, aux bulles, on sait exactement le CO2. Et bien ça c'est un horizon. Dès qu'on a dépassé cet horizon, on a ce qu'on appelle dans notre vocabulaire, nous, des proxys. C'est-à-dire, il n'y a pas de palots de thermomètres qui sont enterrés sous terre ou de seaux d'eau qui seraient sous des roches qui nous permettraient de retrouver directement les températures et les précipitations. Non. Il y a des enregistreurs, soit minéralogiques, géologiques, isotopiques, et des enregistreurs qui sont liés au vivant, qui nous permettent, via des fonctions de transfert, de reconstituer. Alors, par exemple, si vous faites un forage marin, vous allez tomber sur plein de petites coquilles, de petits coquillages, et ces coquilles, qui sont microscopiques, qu'on appelle des foraminifères, leur distribution nous permet de savoir quelle température il faisait, parce que pour avoir tel et tel type de foraminifère, ben, il fallait qu'il fasse par recouvrement à peu près telle température. Et c'est un peu pareil sur les continents, grâce aux pollens qui sont bien préservés dans certains endroits, dans certaines conditions, on peut savoir que s'il y avait une forêt tropicale à cet endroit-là, eh ben, il fallait des caractéristiques climatiques particulières. Et donc tout mon travail, ça consiste à enquêter à partir d'empreintes, de proxys qui ont été laissés là et qu'il faut réinterpréter, à partir d'empreintes et de reconstructions, donc c'est plein de scientifiques, hein, comme je vous l'ai dit, des paléontologues, des glaciologues, des géologistes aussi, des tectoniciens, plein de gens qui reconstruisent patiemment et avec la plus grande certitude, mais avec aussi des barres d'incertitude qui savent décrire quel était le climat à cette période-là. Et moi, mon rôle, c'est d'essayer de comparer mes sorties de modèle, donc les sorties de modèle, c'est comme la météo, un peu aujourd'hui, des températures, des précipitations, et ça s'effectue sur des gros calculateurs, et de regarder si les scénarios que j'établis, quand je trouve des résultats, sont en cohérence avec ce qu'on sait. Le gros avantage de la paléoclimatologie par rapport aux projections climatiques, évidemment, c'est que quand je trouve des résultats, je peux aller voir mes collègues leur dire c'est bon, c'est pas bon. Sur les projections, vous pourrez jamais le faire. Par contre. Mais jusqu'à quand je le ramène? Parce alors, que y a 4, des, y a 4 plein, milliards d'années, alors, c'est très très long, voilà, quand même. Vous avez raison. Alors d'abord, faut pas oublier une chose, c'est que plus on est dans le subrécent et dans le récent, même dans le quaternaire, c'est-à-dire les deux derniers millions d'années, plus on a de données. Et plus on va s'enfoncer dans les profondeurs de l'histoire climatique de la Terre, moins on va avoir de données. Alors ça pourrait être rebutant, vous pourriez vous dire, bon, est-ce que c'est la peine ? Bah oui, c'est la peine, parce que la Terre, elle a connu des aventures climatiques tellement énormes, tellement grosses, que on peut, avec très peu de données, voir des choses spectaculaires à certains moments, évidemment. Voilà. En fait, il faut voir que la Terre est régulée. C'est-à-dire que si on est là, si la vie est sur Terre depuis, c'est que c'est jamais parti en vrille vers le très chaud comme Vénus ou vers le très froid comme sur Mars. Et c'est en fait cette enquête sur la régulation du système Terre. Pourquoi finalement ça a permis la vie? C'est assez compliqué. Donc ça a fait un livre entier qui m'intéresse de comprendre. Il n'y a pas du tout de magie. Derrière ça, il y a des processus biologiques, physiques, chimiques qui expliquent pourquoi la vie est possible. Et je termine là-dessus, vous avez fait une émission il y a deux jours sur Darwin, pour que l'évolution se fasse sur des dizaines de milliers d'années, il faut une certaine stabilité. Et Darwin, dans sa tête, je pense que sur le climat, il y avait cette idée de longues stases pendant lesquelles l'évolution pouvait se développer sans être trop, trop perturbée. D'ailleurs, je pense qu'il n'était pas un fan au début du catastrophisme. On reparlera, hein, Gilles Rammstein, du catastrophisme, mais on va vous mettre le lien. C'était la rediffusion de dimanche dernier de l'émission, effectivement consacrée à Darwin, qui a été rediffusée sur l'antenne de France Culture. Un mot, tout de même, parce qu'effectivement, cette enquête climatique est passionnante, hein, qui est celle que vous résumez, dont vous nous donnez un bel aperçu, de belles explications dans ce livre Voyage à travers les climats de la Terre chez Odile Jacob. On va repartir justement aux origines, mais il y a un autre élément important, c'est évidemment l'évolution des supercalculateurs, des ordinateurs. J'imagine que les modèles informatiques ont énormément évolué depuis les tout premiers ordinateurs et les premiers modèles qui sont sortis en 1950, je parle sous votre contrôle. Alors oui, en fait, vous avez raison de souligner ça, c'est très important. Je ne serais pas là s'il n'y avait pas des milliers de gens pour faire du code, mais s'il n'y avait pas les machines non plus, ce serait pas possible. Donc effectivement, les calculateurs qu'on fait à la fois pour les projections mais aussi en paléoclimat sont effectués par de gros codes sur des machines extrêmement puissantes. Donc un bac dans le temps, ça donne quoi? Ça donne que dans les années 50, la première chose qui intéressait les gens, c'était la météorologie, parce que les agriculteurs, les gens qui faisaient de la navigation avaient besoin de données au jour le jour. C'était très important. Donc de maîtriser la météorologie, en gros, ça veut dire de maîtriser la dynamique atmosphérique. Tout ce qui est de domaine de la météorologie. Ensuite, on a été capable de coupler ces modèles qui étaient déjà très importants, atmosphériques, à des modèles océaniques. Et à la fin des années 90, on a été capable de coupler les deux fluides principaux, caloporteurs de la planète Terre, qui sont l'air et l'eau. Et donc on pouvait établir comme ça des climats. Et ensuite on a couplé encore ça à de la biogéochimie marine, de la biogéochimie continentale, à des modèles de végétation, à des modèles de... Et les gens, avec peut-être trop peu d'humilité, disent qu'ils ont un modèle du système Terre. En fait, ils ont un modèle du système, en gros, de la surface de la Terre. Et avec ça, ils arrivent à comprendre comment toute l'énergie qui nous est envoyée, c'est-à-dire essentiellement l'énergie solaire, et répartis sur Terre, pourquoi toutes les caractéristiques qu'on connaît, l'équateur, les moyennes latitudes, le pôle, pourquoi tout à l'heure, dans l'émission que vous avez montrée en 59, la personne disait, voilà, le climat a déjà changé de 5 degrés au pôle, et bien parce qu'il y a l'amplification polaire, parce que le fait que quand il fait plus chaud, les neiges disparaissent, et les changements d'albédo font qu'il fait plus chaud au pôle, le réchauffement est plus important au pôle que dans les zones équatoriales. L'albédo qui est la réflexion de la lumière du soleil et sur notre Terre, où coexistent les trois phases de l'eau, à la fois la glace, le liquide, le solide, et ben, il se trouve que l'albédo des océans est extrêmement faible et l'albédo de la glace est extrêmement important. C'est pour ça que la fonte de la banquise, ça laisse, si vous voulez, une très grande surface qui va être libre de banquise, libre, donc c'est l'océan avec un albédo faible qui va pouvoir ingurgiter beaucoup d'énergie, alors qu'avant, la banquise réfléchissait toute une grande partie de cette énergie qui n'entrait pas dans le système de l'océan. Donc tout ça, ce sont des phénomènes qui sont bien compris, je dirais, depuis longtemps, parce qu'on n'a pas attendu des grosses machines. Moi, j'ai plein de collègues qui ont travaillé avec des modèles beaucoup plus petits, qu'on appelle des modèles de complexité intermédiaire, qui sont moins puissants, mais qui permettent de faire des intégrations plus longues. Il y a toujours ce rapport entre le fait de modéliser un objet très complexe, de mettre un maximum de processus, mais dans ce cas-là, vous allez pouvoir faire, si ça devient aussi compliqué que la vie, ça va prendre le temps de la vie. Enfin, j'exagère quand je dis ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que plus vous allez complexifier le système, plus les simulations que vous allez faire vont être longues pour prendre en compte tous ces processus. Donc parfois, moi j'ai toujours travaillé comme ça, avec une hiérarchie de modèles, c'est-à-dire pour certaines questions qui nécessitent effectivement un modèle très très très bien décrit, mais pour d'autres périodes, par exemple les périodes très lointaines, où on n'a pas besoin forcément de savoir autant de choses, puisqu'on cherche des gros changements, on peut travailler avec des modèles plus conceptuels. Mais c'est sûr que ce que vous dites là, sur l'émergence extraordinaire des puissances de calcul, ça a permis beaucoup d'éclairer le débat sur les 100 prochaines années. Et il y aura une émission entière à faire, et on la fera d'ailleurs un peu plus tard certainement sur ces modélisations informatiques du climat, parce que c'est vraiment un élément à part entière, extrêmement complexe, extrêmement important. On y reviendra dans une émission complète. On va revenir, on va remonter avec vous, Gilles Rammstein, un peu les origines de ce climat terrestre. Vous disiez tout à l'heure, il y a quelques minutes, il n'y a pas de magie dans tout ça. Non, il n'y a certes pas de magie, c'est effectivement un climat qui jusqu'à présent, ou jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ces dernières années, a été à l'équilibre, notamment les échanges et tous les rythmes du dioxyde de carbone. Il n'y a pas de magie, mais il y a des accidents. Finalement, si la Terre n'est pas restée une vaste boule de glace froide, c'est presque par accident, en quelque sorte. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Oui, enfin, y a, ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que l'histoire du climat de la Terre est totalement liée à l'histoire du CO2. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour être très simple, au début, il y a 4,6 milliards d'années, quand la Terre se crée, quand le Soleil se met en route, eh bien, il se trouve, et ça on sait très bien parce que notre Soleil est tout ce qu'il y a de plus ordinaire, que l'intensité, hein, ni la masse, ni la position, l'intensité lumineuse du Soleil était, c'est à peu près 7% de plus par milliard d'années, donc un petit calcul, 4,6 milliards d'années, ça fait à peu près 30% moins lumineux. Eh bien, toute chose égale par ailleurs, si vous êtes une planète comme Mercure, si vous n'avez pas d'atmosphère, vous faites un calcul, vous n'avez pas besoin d'un gros ordinateur pour ça, vous faites 30% d'humidité solaire en moins et vous trouvez que la planète, elle aurait dû s'englacer. Or, on sait que les océans archéens, c'est-à-dire les océans il y a 3,4 milliards d'années, ils étaient chauds et que la Terre n'a pas été englacée. On sait même que la première grande glaciation pongolienne de la Terre est relativement tardive. Et d'ailleurs, je dis ça en passant parce que c'est une idée qu'on a dans la tête aujourd'hui avec nos belles calottes groenlandaises et antarctiques, on pense qu'il y a toujours eu la cryosphère sur Terre, mais non. La plupart du temps, sur Terre, il n'y a pas de cryosphère. Hein. Et donc, pour répondre à votre question, oui, la Terre aurait dû s'englacer, et c'est parce que la Terre a une atmosphère, parce que quelque chose a dû bouger, puisqu'il y a un paradoxe, là qu'on appelle d'ailleurs le paradoxe du Fent-Jungson, du Soleil jeune, eh bien, le fait que la Terre dispose d'une atmosphère fait que dans cette atmosphère, on a bénéficié de couvertures chauffantes, dont le CO2, et que le CO2 était bien plus élevé, heureusement pour nous, pas pour nous les hommes, mais pour l'évolution de la vie, au début de la Terre, et ça a empêché l'englacement de la Terre. Et ce système Terre, atmosphère terrestre avec du CO2 dedans, évidemment, quand vous êtes deux, ben, s'il y en a des deux qui est fragile, il peut y avoir un accident. Et on comprend pourquoi il y a eu, en effet, pendant très peu de temps, hein, à l'échelle géologique, si 24 heures c'est une journée, c'est quelques minutes, donc c'est des dizaines de millions d'années sur des milliards d'années, mais il y a eu des accidents graves, mais qui se trouvent être des climats instables dont la Terre est ressortie. Oui, parce que ce que vous dites à propos des calottes glaciaires, c'est qu'en fait, l'histoire de notre Terre, et c'est aussi relativement contre-intuitif, l'histoire de notre planète, c'est une longue histoire de refroidissement. Notre planète tend vers le refroidissement jusqu'à ces dernières années. Alors, ça c'est vrai, mais alors, c'est toujours un problème d'horizon. J'aurais dû terminer ma phrase tout à l'heure. Vous avez en gros l'horizon des glaces, l'horizon sur lequel on connaît le CO2. Ça c'est 800 000, on en a parlé. Vous avez l'horizon de la tectonique, c'est-à-dire jusqu'où on sait et comment on sait comment les continents dansent sur la planète. Ça, c'est grâce aux paléomagnéticiens, aux géologues. Ils nous permettent d'avoir les visages de la Terre. Mais jusqu'à quand? En gros, jusqu'à 1,5 milliard d'années, on sait des choses. Et très bien, il y a d'autres horizons, par exemple. Bon, l'horizon de la glace, on peut forer dans la glace, on n'ira jamais plus loin que 1 million et demi d'années. Si vous forez dans les océans, alors là, vous allez pouvoir aller plus loin. Mais malheureusement pour vous, comme les océans, le fond des océans bouge, lui aussi, et qui subducte, eh bien, avec des planchers océaniques, vous allez arriver jusqu'à 250 millions d'années. Et pour aller encore plus loin, pour avoir un horizon encore plus vaste, il faut tomber sur des vieux cratons continentaux où on a des reliquats, donc oui, très peu, en Australie, en Groenland, des endroits où on peut parler de la Terre telle qu'elle a été il y a des milliards d'années. Et donc, il y a comme ça plusieurs horizons. Et après, il y a des horizons, ça c'est les horizons qui nous permettent de décrire, et il y a les horizons qui nous permettent de comprendre. Et de ce point de vue-là, donc dans mon livre, je ne vais pas parler de ça, parce que c'est assez compliqué, mais les grandes révolutions terrestres, c'est quoi? Ben, les grandes révolutions terrestres, c'est essentiellement le grand événement d'oxydation, le moment où l'oxygène sur lequel toute la vie qu'on connaît est basée va apparaître. Et ça, on ne le sait pas trop, mais c'est il y a 2,4 milliards d'années. Les gens ne savent pas qu'en fait, la moitié de la vie sur Terre, c'est une vie sans oxygène. C'est le fait que la tectonique des plaques et les continents ont commencé. Ça a été fondamental pour le CO2. C'est très très important. C'est la deuxième partie, puisque la première partie, vous l'avez dit, Gilles Rammstein, hein, c'est justement le réchauffement du Soleil, ces premiers cycles hein, du dioxyde de carbone avec les premières émissions de méthane, et puis l'arrivée de l'oxygène, qui est plus ou moins concomitante avec la première glaciation d'ailleurs. Oui, alors en fait... si vous voulez, on a l'habitude de dire que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. C'est important parce que quand on s'éloigne dans le temps, évidemment, les données sont plus lacunaires. Donc il faut quand même être extrêmement prudent. Mais avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, on pense qu'effectivement, il y a une glaciation très importante, parce qu'on a des évidences pour ça, qui est à peu près synchrone du grand événement d'oxydation. C'est-à-dire que, et vous allez me dire, ou les auditeurs qui connaissent un peu, ils vont me dire, tiens, c'est bizarre, pourtant l'oxygène n'est pas un gaz à effet de serre, à ce qu'on sache. Et évidemment, c'est tout à fait vrai. Mais quand l'oxygène est apparu, il a oxydé le méthane. Et il se trouve que le méthane, dans l'atmosphère, est un gaz bien plus puissant, du point de vue effet de serre instantané, que le CO2. Et donc quand le méthane a été oxydé en forme de CO2, en fait, la planète a perdu de sa couverture chauffante. À tel point qu'une première glaciation est arrivée, qu'on appelle la glaciation huronienne. Mais malheureusement... À peu près 2,4 milliards d'années, à peu près au moment du grand événement d'oxydation. Et le problème de ça, c'est que on est en dehors de l'horizon où moi je peux travailler. Moi, j'ai besoin que des gens me disent, voilà, les continents, ils se distribuaient comme ça. Quand on me dit comment sont les continents, moi, je peux calculer avec mes modèles comment les flux vont être transportés, compte tenu de cette configuration-là, de l'équateur vers le pôle, par l'atmosphère et l'océan. Donc moi, j'ai un horizon qui est un peu indépassable du point de vue de la réalité des choses. C'est le fait que on me dise, et donc ça, cet horizon-là, c'est 1,2. Et il y a eu une autre Snowball Earth, un autre événement très important de glaciation, qui lui a eu lieu il y a 700 millions d'années, et qui est beaucoup, beaucoup mieux connu, et qui lui rentre dans ma palette de possibilités, c'est-à-dire que je peux modéliser le climat de cette période qui est un peu barbare, qu'on appelle néoprotérozoïque, et de cette glaciation qui dure quand même assez longtemps, hein. Elle dure entre 717 et 635 millions d'années en arrière. On comprend maintenant très bien, c'était un des principaux résultats pour moi de la fin du siècle dernier, comment on rentre et comment on sort, et pourquoi cette situation a pu arriver sur Terre, et pourquoi on a pu en ressortir. He was born a little baby on the Appalachian Trail. At 6 months old, he'd done 3 months in jail. He robbed the bank in his diapers and his little bare baby feet. All he said was, folks, my name is Outlaw Pete. I'm Outlaw. I'm Outlaw Pete, can you hear me? At 25, a Mustang pony heated steel. And it rolled around and round on heaven's wheel. Father Jesus, I'm an outlaw killer and a thief. Slow down, oh leader, so my grief. I'm Outlaw Pete. I'm Outlaw Pete. Can you hear me? He cut his trail of tears across the countryside, and where he Outlaw Pete de Bruce Springsteen, c'est le choix musical de notre invité du jour, du deuxième parrain de cette troisième saison de la méthode scientifique, Gilles Rammstein. Pourquoi cette chanson de Bruce Springsteen? Alors, j'ai choisi cette chanson parce que j'aime bien le rythme, mais aussi parce que l'idée de se faire entendre en science, c'est une idée qui est très importante. C'est-à-dire que là, malheureusement, on voit que depuis 30 ans, les climatologues, ils sont là, ils sont tous là, hein, parce que pendant longtemps, dans les médias, on a fait croire qu'il y avait d'un côté les sceptiques qui représentaient la même chose que les climatologues. Mais les climatologues sont organisés depuis 30 ans, de façon très consensuelle. Tous les gens qui sont experts dans le domaine rendent des rapports qui sont corrigés entre eux et qui permettent d'éclairer un peu les choses. Et donc, on a ça, on a cette information, elle est sur la table. Les gens qu'on a entendu comme tout à l'heure, comme Jean Jouzel, mais plein d'autres, ont contribué extraordinairement à cette avancée-là. Et c'est vraiment un travail très collectif. Donc voilà, on a l'information. Et est-ce qu'on est entendu? Bon, je dis ça, c'est une toute petite parenthèse. Ce matin même, Hulot disait pas la même chose. Il disait la même chose. Il disait, l'information, elle est là. Le problème, c'est la trajectoire. Rien ne bouge. Et donc, j'ai choisi cette chanson parce que il faut pas croire que c'est parce qu'on a l'information, qu'on a la connaissance scientifique, qu'on va être capable de bouger la trajectoire. la trajectoire énergétique de la planète. Comment nous, les hommes, avec notre gros cerveau, notre grosse intelligence, la capacité extraordinaire qu'on a de mesurer ce qu'on fait, donc on a toute l'information, est-ce qu'on va être capable de l'utiliser intelligemment? Ah, c'est ça, toute la discussion. Et c'est pour ça que j'ai choisi Can We Hear Me, parce que c'est pas parce qu'on a le savoir que tout à coup, comme ça, par magie, la société va prendre en compte, l'intérioriser et changer. Vous voyez, par exemple, vous savez que Giordano Bruno, malheureusement, il a été brûlé. Et il a fallu longtemps pour que ça imprime qu'on n'était pas le centre du monde. Aujourd'hui, c'était les travaux sur l'héliocentrisme. Voilà, il faut que les hommes comprennent qu'ils sont pas. Ils ont réussi grâce au progrès à s'arracher de la nature, mais ils sont dans la nature. Ils sont pas hors sol. Donc ils sont dans ce monde. Et cette compréhension du fait que on est capable de changer complètement notre environnement, eh ben ça veut dire que à 9 milliards d'hommes et avec des calottes sous nos pieds, avec les dangers qui nous menacent et qu'on comprend, il faut être capable de réagir. Et ce travail-là, il reste à faire. Et pour moi, c'est un travail tout à fait passionnant pour les générations qui viennent. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Les calottes sous nos pieds. On va y revenir dans quelques instants, puisqu'on va entendre Christian Vincent, qui est justement glaciologue et qui travaille sur la fonte des glaciers, qui est un élément essentiel de cet équilibre climatologique terrestre, de ce cycle du dioxyde de carbone qui a duré depuis 4 milliards et demi d'années, que nous sommes peut-être en train de dérégler. Mais avant cela, Gilles Ramchain, je rappelle, hein, bien sûr, pour les auditeurs qui nous rejoignent, que vous êtes climatologue, directeur de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à l'Institut Pierre-Simon Laplace et auteur de Voyage à travers les climats de la Terre chez Odile Jacob. J'aimerais qu'on parle de ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire de cette autre période de glaciation, de cette hypothèse que vous appelez, que l'on appelle la Terre boule de neige il y a 750 millions d'années. Pourquoi est-ce qu'il est important de la comprendre? Elle est plus proche, on a plus de données en ce qui la concerne. Pourquoi est-ce qu'il est important de comprendre cet épisode de glaciation pour comprendre aujourd'hui les variations, les dérégulations massives que peuvent connaître le climat terrestre? Alors en fait, c'est très important pour comprendre les liens qui unissent de façon extrêmement entremêlé le cycle du carbone et le climat. Alors, je vais vous le faire bref, mais... Allez-y, prenez votre temps. Dans les années 60, il y a un géologue qui s'appelait Harland, un très bon géologue, qui trouve avec des tilites, des petits fragments, la preuve qu'il y avait des calottes à l'équateur, des calottes de glace à l'équateur terrestre. Ça paraît impossible. Donc, ce Harland, qui est un très bon géologue, va voir les modélisateurs de l'époque, c'était dans les années 60 du siècle dernier, un modélisateur de l'Est, un modélisateur de l'Ouest. Celui de l'Est s'appelait Boudicco, c'est un russe évidemment, et l'autre s'appelait Sellers. Et il lui explique, très très justement, ses modélisateurs, donc mes alter ego de l'époque, en beaucoup plus fort, il lui explique, eh bien voilà, si la Terre se met à devenir toute blanche, notre belle Terre bleue, ben voilà, elle va avoir un pouvoir réfléchissant énorme. Et le Soleil, qui envoie de la lumière et qui est notre grosse source d'énergie, au lieu de la faire rentrer dans le système pour faire bouger le sein et l'atmosphère, comme on fait aujourd'hui, si la Terre devient toute blanche, eh bien, 90% de cette lumière va être réémise vers l'espace. Alors ils lui disent que si c'était le cas, qu'est-ce qu'il faudrait? Ben, pour sortir de là, d'une Terre toute blanche, il aurait fallu 1,5 fois plus de lumière solaire. Et ça, ça prend des milliards d'années. Donc ils ont dit à Harland, voilà, tu nous prétends que la Terre a été gelée il y a 600 millions d'années, 700 millions d'années, mais nous on te dit que si c'était vrai, pour en sortir, il faudrait 1,5 milliard d'années, parce que la seule solution c'est le Soleil, et qu'il mettra du temps pour chauffer, pour déglacer. Donc on le saurait, on serait encore en snowballers. Et Harland, le pauvre, avec des arguments aussi imparables d'aussi grands scientifiques, il a remisé ses trouvailles. Mais la science progresse et plein de choses sont venues déranger pour cette période-là. Alors ça, je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais en gros, plein d'événements, à la fois géologiques, à la fois sur le carbone, montraient qu'il y avait une période pendant laquelle des choses très bizarres s'étaient produites. Par exemple, les océans n'étaient plus oxygénés. Par exemple, il s'était mis à pleuvoir des caps carbonates. Enfin, des événements géologiques et dynamiques de la Terre qui étaient complètement incompréhensibles. Et il a fallu attendre 30 ans pour que quelqu'un d'autre, qui s'appelle Joe Kerfing, vienne et dise « Mais moi, je vais vous dire comment on sort. On ne sort pas par le Soleil. On sort juste parce que la Terre, elle est vivante géologiquement et que les volcanismes continuent pendant la Snowballers. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le volcanisme continue. Donc, le CO2, le volcanisme sans l'homme, sur des sels géologiques, c'est le volcanisme qui met du CO2 dans l'atmosphère. Donc, le CO2 s'entasse dans l'atmosphère. Comme la Terre est couverte de calottes de glace et que la Terre est couverte de banquises, ce CO2 s'entasse dans l'atmosphère et radiativement, il va déglacer la Terre. Et avec ce nouveau processus, Kirchfing montre, en prenant les taux d'émission du CO2 du volcanisme moyen normal, qu'il faut que quelques millions d'années pour qu'on se déglace et pas du tout des milliards d'années. Et la contribution française à ça a été, avec pas mal de collègues français, de montrer pourquoi, finalement, la Terre s'est englacée. Qu'est-ce qui a fait cette espèce de rupture, le fait que la Terre est vraiment devenue toute blanche? Pourquoi à ce moment-là? Et pourquoi si tardivement? Parce que je vous ai dit que c'était 7% par milliard d'années, donc il y a 700 millions d'années, on l'augmentation de la luminosité du Soleil. On n'était pas tellement loin d'aujourd'hui. Pourquoi 700 millions d'années, on a eu un gros accident comme ça? Et ben ça, c'est très lié au caractère de la planète qui a de la tectonique. Il se trouve que, je vais expliquer ça et après, je vais plus parler de la small parce que ça prend du temps. Non, mais il se trouve que le plus grand désert du monde, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas le Sahara. C'est l'Antarctique. En Antarctique, il ne se passe rien. Le cycle hydrologique est extrêmement ténu. Il fait très sec et très froid. C'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'en forant 3 km, on peut restituer 800 000 ans. Et donc, il faut savoir que sur Terre, le CO2, en dehors de l'homme, sur des échelles géologiques, il est lié à deux choses. La source, j'en ai parlé, le volcanisme. Et qu'est-ce qui retire du CO2 de l'atmosphère à l'échelle géologique? C'est l'érosion silicatée. C'est le fait que, quand il pleut, les gouttes d'eau se chargent de CO2. Quand elles arrivent sur certains minéraux silicatés, il y a des réactions chimiques, et dans ces réactions chimiques, eh bien, on pompe une molécule de CO2 de l'atmosphère et on l'amène via les rivières au fond des océans. Et donc ça, c'est un moyen de puiser dans le CO2 et par contre, un moyen de mettre du CO2, c'est le volcanisme. Et ces deux processus-là, quand vous, regardez où est-ce qu'ils s'équilibrent, c'est eux qui vont vous donner à peu près, à l'échelle géologique, le contenu de CO2 atmosphérique. Eh bien, il se trouve qu'il y a 700 millions d'années, justement, pour la première fois, on avait un supercontinent qui s'est fragmenté en petites plaques, qui sont restées dans la zone équatoriale. Et donc ces petites plaques ont été l'objet d'une érosion énorme. Alors que si elles avaient par contre été au pôle, il n'y aurait pas eu d'érosion. Et à cause de cette érosion énorme, le CO2 s'est mis à baisser. Il s'est mis à baisser à tel point que la teneur en CO2 dans l'atmosphère n'a pas été suffisante pour éviter la glaciation. Et donc c'est comme ça qu'on est rentré en glaciation. Et ça c'est uniquement dû à une configuration très particulière de la danse des continents sur la planète. Donc on comprend, si vous voulez, comment finalement la tectonique, à l'échelle de millions d'années, contrôle le CO2 aussi. Alors ça, c'est quelque chose que Wegener et Köppen avaient compris depuis longtemps. C'est-à-dire que quand les plaques dérivent, elles changent le climat. Ce qu'ils n'avaient pas du tout compris, c'était impossible à l'époque, c'était que ce faisant, elles changent aussi le CO2 atmosphérique, parce que suivant les positions des continents, non seulement ils sont chauds ou froids, mais ils sont aptes ou pas à pomper du CO2 via l'érosion silicatée. Quand ils sont à très haute latitude, dans les régions polaires, il pleut pas, et ben l'érosion silicatée se fait pas, le CO2 augmente. Et ces processus-là, qui sont à la base de la régulation de la Terre et du climat de la Terre, sont extrêmement importants. Maintenant, pour en revenir à l'homme. L'homme, il est en train de faire une expérience quasiment inédite. C'est-à-dire que lui, pour se développer, il est en train d'émettre des quantités extrêmement importantes de CO2 dans l'atmosphère. Quand je dis extrêmement importantes, il faut pas se tromper, le CO2 est un constituant qui reste marginal dans l'atmosphère. Mais, au lieu d'être à 200 ppm, ce qu'il était avant, il va passer à 400 ppm et à la fin du siècle, à 600, 800 ppm. Et ces changements de CO2 vont produire des changements climatiques qui sont très importants et qui sont très bien documentés par les différents rapports du GIEC à l'échelle de la fin du siècle. Et alors, la réponse à votre question, c'est que c'est de la recherche fondamentale, c'est que comprendre comment on peut déréguler, quels sont les processus qui, à différentes échelles de temps, vont déréguler notre planète. Eh bien voilà, on comprend la tectonique, c'est ce qui se passe sur les millions d'années. Après, il y a les paramètres orbitaux sur les centaines de millions d'années. Et l'échelle qui nous intéresse, nous les hommes, c'est l'échelle des siècles à venir. Et à cette échelle-là, la transformation qu'on fait, elle est relativement fulgurante. Et ce que je veux dire de ce point de vue-là, avec mon optique à moi, qui est quelqu'un qui travaille sur les temps longs, c'est dire, bon, on fait une expérience anthropocène. Très bien. Dans quelles conditions on l'a fait? On l'a fait dans une condition, on est aujourd'hui 7,3 milliards d'hommes, on sera en 2050 9 milliards d'hommes, dont beaucoup vivent près des côtes. Et dans un contexte géologique très particulier, où on a deux calottes de glace, une au Groenland et une en Antarctique. Et donc, si on fond ces calottes de glace, ou une partie de ces calottes de glace, et que le niveau marin augmente, ce qui est prévu à la fin du siècle, d'à peu près 1 mètre, mais ça peut être plus, eh bien, on va se mettre en danger. C'est un des dangers. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Hein. Mais en tout cas, ça, c'est sûr qu'on est en train de faire cette expérience d'anthropocène dans un monde chaud. Je veux dire, plutôt froid. Mm-hmm. C'est-à-dire que imaginez à l'instant que les dinosaures puissent avoir le même développement que nous, eh bien, ils n'auraient pas ce danger de fondre des calottes de glace. Pourquoi? Parce que les dinosaures qui ont vécu en gros hein, entre 250 et 65 millions d'années, beaucoup plus que l'homme, hein, même si on remonte à Touma, et c'est jamais que 7 millions d'années, les dinosaures, pendant toute cette période de temps-là, ils n'ont quasiment pas vu de période de glace parce qu'il y en a eu, hein, sporadiquement, mais au Crétacé, au Trias, au Jurassique, il faisait plutôt chaud. Et donc voilà, on fait ça, on sait qu'on fait tout ça dans ce contexte, et c'est ça qui fait la spécificité. Je dirais que à l'histoire géologique de la planète, c'est beaucoup moins grave, la Terre, elle va s'en remettre. Hein. Mmh. La Terre va s'en remettre, si l'homme disparaît, elle finira par s'en remettre, mais assez rapidement d'ailleurs, en quelques dizaines de milliers d'années, on finira par retrouver une forme d'équilibre. La question, mais je vous poserai cette question tout à l'heure, de savoir si on peut dérégler le système au point où la Terre ne s'en remettrait pas. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Ouais, je pense qu'on peut imaginer ça, mais là, pour ce qui nous concerne, je pense qu'on est en train de faire un dérèglement du système Terre, qui est vraiment extrêmement préjudiciable pour l'homme et son environnement à des termes qui sont de 100, 200, 300 ans. Après, pour répondre à votre question, c'est un peu un autre débat, mais il y a des gens qui ont prétendu exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que vous vous souvenez qu'au moment où il y avait deux pôles, avec une montée des armes nucléaires très importante, un des gros arguments des gens qui voulaient arrêter cette course aux armements, c'était de dire, si jamais ça commence, ça ne finira pas. Parce que le déclenchement d'une guerre nucléaire produira un hiver nucléaire global, et que finalement, cette guerre-là, elle touchera tout le monde, et elle déréglera le système. Et c'était une menace tout à fait envisageable. Mais c'est un autre débat. Est-ce que nous, on est en mesure de modifier profondément la biodiversité qui nous entoure? Bien sûr, on le mesure, ça. C'est déjà le cas. Donc, combien de temps il faudra pour que ça revienne? Ça reviendra pas. Une espèce qui disparaît ne revient pas, mais ça reprendra sous d'autres formes. Il y a des grandes catastrophes biologiques, hein, des catastrophes majeures, comme au Permo-Trias, comme au Crétacé tertiaire, et la vie a repris. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est la vie dans 100 ans, dans 200 ans. Quelle planète on veut pour nos enfants, et comment on veut que cette planète soit, enfin, qu'est-ce qu'on veut et quel monde on veut pour vivre sur cette planète? C'est ça les grandes questions. Je dirais qu'elles sont très très liées à l'homme et à son environnement. Alors, vous employez une expression, hein, Gilles Rammstein, qui n'est pas exactement rassurante. Pour ça, vous dites que nous avons une voire plusieurs bombes sous les pieds, en parlant justement notamment des calottes glaciaires que vous évoquiez à l'instant. À ce propos, nous avons contacté Christian Vincent, qui est chercheur au laboratoire de glaciologie et de géophysique de Grenoble. Il travaille précisément sur la fonte des glaciers en corrélation avec l'évolution climatique. Écoutez. Les glaciers de montagne réagissent très fortement aux variations du climat et c'est pour cette raison qu'ils sont de bons indicateurs du climat dans des régions qui sont éloignées des sources de réchauffement urbain. Ce sont un peu des sentinelles du climat et c'est pour ça qu'on les observe. Mais encore faut-il bien comprendre les relations entre les paramètres météorologiques et les fluctuations glaciaires, et c'est tout l'objet de nos recherches. On a la chance de disposer en France d'un réseau d'observations qui s'appelle Glacioclim, les glaciers comme observatoire du climat. Dans le cadre de ce réseau d'observations, on a différents types de mesures. Les observations sont faites suivant un même protocole, plusieurs fois par an, et on mesure sur chacun des glaciers, d'une part, l'accumulation de neige par carottage, on mesure la fonte de glace, on mesure les variations d'épaisseur, on mesure les vitesses d'écoulement, on mesure les fluctuations de longueur des glaciers, et même la météorologie à la surface des glaciers. Tout d'abord, on observe un très fort recul des glaciers au cours des dernières décennies. Bon, c'est pas une surprise, hein. Et dans le massif du Mont-Blanc, par exemple, les plus grands glaciers comme celui de la mer de glace, les Bossons ou Argentières ont reculé de 800 mètres à 1 km au cours des 30 dernières années, hein. C'est considérable. Et nos analyses montrent que ce recul est lié à une forte augmentation de la fonte estivale. Hein, c'est la fonte estivale qui joue principalement sur le recul des glaciers au cours des dernières décennies. En fait, un glacier, c'est un équilibre entre l'accumulation de neige et la fonte. Il peut aussi y avoir d'autres processus, mais ce sont les principaux processus qui jouent. Et pour qu'un glacier puisse se maintenir, il faut que l'accumulation de neige compense la fonte. Et depuis quelques décennies, les glaciers sont en total déséquilibre, car la fonte, elle a augmenté considérablement. Alors, par exemple, par rapport aux décennies de 1960 et 1970, pour lesquelles les glaciers étaient quasiment stables, la fonte a augmenté de 1,80 m de glace par an, ce qui est considérable et ce qui est très facile à mesurer pour nous. Et on sait que cette fonte elle est liée à un réchauffement estival proche de 2 degrés sur 50 ans. Alors on a vu aussi que cette fonte, elle s'est encore accélérée depuis 2003. Et ce qui est saisissant quand on regarde, si vous voulez, les séries d'observations qui concernent plusieurs décennies, c'est que les 7 années les plus déficitaires au cours des 50 dernières années, ces 7 années les plus déficitaires, elles appartiennent à la période récente après 2000. Alors Pour faire des projections sur dans le futur, il faut utiliser des modèles d'écoulement des glaciers, et il faut utiliser des scénarios climatiques. Donc les scénarios climatiques sont fournis par nos collègues climatologues, et à partir de ces scénarios climatiques, on peut simuler l'évolution des glaciers sur les 50 ou les 100 prochaines années. Et nos modélisations montrent que les glaciers qui sont situés en dessous de 3500 mètres d'altitude, c'est-à-dire ceux qui ne culminent pas au-dessus de 3500 mètres d'altitude, tous ces glaciers-là seraient condamnés avant 2100. Donc ça concerne beaucoup de glaciers dans les Alpes françaises. Les glaciers qui sont situés au-dessus de 3500 mètres d'altitude vont résister un peu plus longtemps. Voilà, Christian Vincent, chercheur au laboratoire de glaciologie et de géophysique de Grenoble. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Gilles Rammstein? Non, je pense que Christian, il a été très clair. Quand on étudie des petits systèmes comme des glaciers par rapport à des grosses calottes comme le Groenland et l'Antarctique, d'abord, on peut bien les mesurer. C'est-à-dire qu'on a tout un outil, tout un arsenal qui permet, parce que c'est des surfaces assez petites, d'avoir une bonne représentation. Et puis, comme il l'a expliqué, on voit très bien le déséquilibre profond. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, et puis, sur les glaciers équatoriaux et tropicaux, c'est encore plus rapide. Là, il parle des glaciers des Alpes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir à la fois, grâce à Christian Vincent, des mesures comme ça in situ, et grâce à d'autres scientifiques comme Annie Cazenave, je dis Annie Cazenave parce que j'ai entendu faire un séminaire il n'y a pas longtemps, grâce à des données satellitaires altimétriques, on peut avoir une idée de l'augmentation du niveau marin sur 50 ans, et on peut même montrer pourquoi ce niveau marin, sa remontée, elle s'accélère. Parce que si vous voulez, il y a trois grandes composantes. Si tous les petits glaciers du monde fondaient, ça rajouterait que quelques centimètres au niveau marin. Par contre, vous avez deux autres composantes qui sont importantes. D'abord, la dilatation thermique des molécules d'eau. Plus on va chauffer l'océan, plus la molécule va prendre de place. Donc ça va remonter indépendamment de la cryosphère. Et vous avez la dernière composante qui nous intéresse, nous, la composante qui va devenir majoritaire dans les années qui viennent, c'est la fonte à la fois du Groenland et de l'Ouest Antarctique, qui, elles, on peut les mesurer globalement et on peut montrer comment évolue leur contribution au niveau marin, et on peut effectivement montrer que ça s'accélère. On arrive dans les dernières minutes de cette émission. Gilles Rammstein, j'évoquais au tout début de cette émission, dans la présentation, cette étude qui a été menée par une équipe mixte de l'Université de Copenhague, de l'Université nationale australienne et de l'Institut de recherche de Potsdam, qui a été publiée dans PNAS et qui dévoile un scénario catastrophe d'emballement climatique qui évoque ce point de bascule, le tipping point, après lequel le climat terrestre, la planète elle-même se mettrait finalement à libérer abondamment des gaz à effet de serre, face auxquels nous serions complètement démunis. Que pensez-vous de cette étude? Je pense que la perte des eaux et les processus d'emballement sont en effet à prendre en compte. Je pense qu'il ne faut pas que le public ait dans l'idée que finalement un système aussi complexe que la Terre va répondre linéairement. C'est quelque chose que j'explique souvent dans mes séminaires en disant: vous achetez une glace à la pistache à votre gamin, il n'en veut pas, il n'aime pas la pistache. La glace, la boule de glace, elle va fondre tranquille, linéairement, c'est-à-dire tout doucement sur ses doigts, il va en avoir partout. Les calottes de glace, ça ne fond pas comme ça. On le sait parce que la dernière fonte des calottes de glace, c'est il y a 20 000 ans. Il y a 20 000 ans, on n'avait pas deux, mais quatre calottes de glace. On avait une énorme calotte de glace sur la Laurentide, une calotte de glace sur l'Europe du Nord. Et elles ont fondu. Et comment elles ont fondu? Eh bien, ça, on le mesure très bien grâce aux isotopes. Il y a plein de façons de le mesurer. Assez précisément, on voit que ça évolue par beurre. C'est-à-dire que ça évolue par à-coups. Et donc, quand on va traumatiser ce qu'on est en train de faire, un système complexe comme le nôtre, en bouleversant son équilibre radiatif, il va réagir. Et cette réaction peut entraîner des chaînes d'amplification qui pourraient avoir des conséquences bien plus grandes. Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait du point de vue spatial, c'est-à-dire que quand le CO2 il est partout pareil, que vous le mesuriez dans n'importe quel point, par contre, son impact climatique il est beaucoup plus élevé dans les hautes latitudes, comme j'en ai déjà parlé, qu'à l'équateur. Donc, vous avez ce qu'on appelle l'amplification polaire, qui, elle, est une amplification de l'équateur vers les pôles. Ce papier-là, il parle de processus qui vont amplifier le réchauffement lui-même. Alors, c'est tout à fait vrai, Il y a plein de processus qui vont amplifier le réchauffement. Par exemple, la perte des pergélisols. Mm-hmm. Les sols glacés vont libérer du méthane et du CO2. Et ça va venir se rajouter au CO2 que les hommes envoient dans l'atmosphère. Donc, il y a beaucoup de réactions positives qui vont amplifier le changement climatique. Maintenant, est-ce que, par exemple, sur Terre, on risque de perdre les eaux? Pour perdre les eaux, c'est-à-dire que pour que les océans disparaissent, il faudrait vraiment y aller très fort. Mais c'est ce qui va se passer. Dans mon livre, dans mon dernier chapitre, j'explique que, à l'échelle de millions d'années, simplement parce que le soleil chauffe de 7% par milliard de 7% de plus par milliard d'années, il va arriver un moment où on va chauffer suffisamment l'atmosphère pour que les océans, qui sont très stables aujourd'hui, puissent disparaître et perdre leurs eaux. Et on pense d'ailleurs que sans doute sur Mars et Vénus, qui ont sans doute été couvertes d'océans au départ comme la Terre, ils n'ont pas pu conserver ces océans alors que la Terre a pu le faire. Donc, mais c'est un scénario qui me paraît, si vous parlez de la perte des eaux, très catastrophique par rapport à des scénarios qui sont extrêmement... Il y en a plein, on peut se faire très peur. Moi, je pense sincèrement que ce qui est très important, c'est de donner aux gens, et j'ai fait tout ce que j'ai pu à mon humble niveau, en faisant des formations pour journalistes et tout ça, des repères qui leur permettent de pouvoir réfléchir au changement climatique qui est à leur porte, quoi, finalement. C'est une question qu'on se pose souvent ici, quand on fait des émissions concernant le climat ou la biodiversité, avec la rédaction de la méthode scientifique. Comment faire pour continuer à produire du discours, à alerter, à donner, faire des états des lieux de cette évolution que vous décrivez, sans pour autant tenir un discours catastrophiste? C'est un travail difficile. Oui, mais enfin moi, en vieillissant, si vous voulez, c'est vrai que lorsque vous racontez l'histoire de la Terre, et puis que vous arrivez à aujourd'hui, et que vous expliquez la fulgurance de ce qu'on est en train de faire, et les conditions dans lesquelles on le fait, les gens, vous générez une espèce de... Les gens sont ensevelis sous toutes ces informations. Donc ça, j'ai arrêté. Je ne fais plus ça du tout, parce que je ne sais pas ce que je voulais induire. Maintenant, j'ai tendance à dire la chose suivante, et ça me paraît vraiment fondamental, c'est-à-dire que... On est la seule espèce à avoir un gros cerveau, la seule espèce qui est capable de savoir ce qu'elle fait. Et donc c'est un enjeu pour les générations. C'est la première fois qu'une espèce va être capable de s'adapter à ses propres changements environnementaux. C'est-à-dire de se rendre compte que là, la direction n'est peut-être pas la bonne, qu'on va dans le mur et changer sa trajectoire. C'est à notre portée, on comprend. Donc c'est possible. Et donc il y a quelque chose de très enthousiasmant, à mon avis, à pouvoir se dire, oui, c'est une question de décennies, il va falloir prendre notre avenir en main. Et le problème, et c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça qu'on fait des conférences, moi et plein d'autres, c'est de changer la trajectoire. Parce que depuis 30 ans qu'on dit ce qu'on dit, vous regardez le CO2, et bien le CO2, il est sur sa trajectoire qu'on appelle dans notre jargon le RCP 8.5, la plus pessimiste, mais malheureusement la plus réaliste. Donc il est temps que les choses bougent, et ça ne se décrète pas. C'est vraiment le fait que, grâce à des émissions scientifiques, grâce à plein de choses, grâce à des fictions aussi, les gens comprennent ce qui va leur arriver et des repères. Et pour conclure, Gilles Ramchal, il nous reste une petite minute. Vous vouliez également dire un mot à propos de la recherche en général et de la façon de faire, de conduire des recherches ici en France. Oui, je pense que c'est très important de dire qu'au-delà de tout ce que je vous ai raconté sur le caractère extraordinairement fécond de la recherche, comprendre que la recherche s'est faite par des gens et que la situation des jeunes chercheurs, des thésards aujourd'hui, elle est extrêmement alarmante. Alors que le climat est un des enjeux les plus importants, que la physique, la chimie, parce que le climat s'est basé sur ça, eh bien la recherche fondamentale est maltraitée. Ces gens sont extrêmement stressés, ils font des thèses, des post-docs, etc. Et donc la plupart d'entre nous sommes contraints aujourd'hui de terminer la plupart de nos interventions par cette petite phrase qui dit que l'explosion de la précarité dans nos laboratoires, à terme, conduit à fragiliser notre propre système de recherche. C'est-à-dire que des gens qui sont sous le stress de savoir que va être leur prochain contrat, qui ont 25 ans, qui ont des gros cerveaux, et qui peuvent produire de la recherche pour la nation, pour le monde, des recherches intelligentes, eh ben, ils n'ont pas le choix presque de leur recherche, parce qu'ils sont sous le stress de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire dans 18 mois, quel contrat ils vont pouvoir avoir. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt nocif pour le développement d'une recherche féconde. Voilà, c'est quand même important de savoir que derrière tout ce que je raconte, il y a des ingénieurs, des chercheurs, des techniciens, et que voilà, ils ont aussi une vie. Et la vie des jeunes chercheurs est beaucoup plus difficile que quand moi, j'ai commencé il y a 30 ans, et plus de 30 ans. Et vous rejoignez ce que nous disait hier à ce même micro Christina Bergel et Jean-Michel Clavery, ces problèmes liés effectivement au début de carrière dans la recherche dont nous avons aussi souvent parlé autour de Nismo. Merci beaucoup en tout cas, Gilles Ramstein, d'être venu et d'avoir été le deuxième parrain de cette troisième saison de la méthode scientifique. Je rappelle que on peut détailler tout ce que vous venez de nous raconter en une heure dans votre très joli livre qui se lit comme une vraie enquête, Voyage à travers les climats de la Terre. C'est aux éditions Odile Jacob et c'est préfacé par Michel Brunet et non pas l'inverse. Merci beaucoup à toute l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, Céline Lausanne, Étienne Minaguet, Saint-Villefranc, Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Guilain Meige à la technique.